Les deux derniers textes choisis chez Fontenelle sont extraits de ses entretiens sur la pluralité des mondes. Par un beau soir d'automne, Fontenelle se promène dans un parc avec une marquise qui en est la propriétaire. Leçon d'astronomie dans un parc. Selon moi, il n'y a pas jusqu'au véritier à qui l'agrément ne soit nécessaire. Eh bien, reprit-elle, puisque votre folie est si agréable, donnez-la moi. Je croirai sur les étoiles tout ce que vous voudrez, pourvu que j'y trouve du plaisir. Ah, madame, répondis-je bien vite, ce n'est pas un plaisir comme celui que vous auriez à une comédie de Molière. C'en est un qui est je ne sais où, dans la raison, et qui ne fait rire que l'esprit. Quoi donc, reprit-elle, croyez-vous qu'on soit incapable des plaisirs qui ne sont que dans la raison? Je veux tout à l'heure vous faire voir le contraire. Apprenez-moi vos étoiles. Non, répliquai-je, il ne me sera point reproché que dans un bois, à 10 heures du soir, j'ai parlé de philosophie à la plus aimable personne que je connaisse. Cherchez ailleurs vos philosophes. J'eus beau me défendre encore quelque temps sur ce ton-là, il fallut céder. Toute la philosophie, lui dis-je, n'est fondée que sur deux choses. Sur ce que l'on a l'esprit curieux et les yeux mauvais. Car, si vous aviez les yeux meilleurs que vous ne les avez, vous verriez bien si les étoiles sont des soleils qui éclairent autant de monde, ou si elles n'en sont pas. Et si de notre côté, vous étiez moins curieuse, vous ne vous soucieriez pas de le savoir, ce qui reviendrait au même. Mais on veut savoir plus qu'on ne voit, c'est là la difficulté. Encore, si ce qu'on voit, on le voyait bien, ce serait toujours autant de connu, mais on le voit tout autrement qu'il n'est. Ainsi, les vrais philosophes passent leur vie à ne point croire ce qu'ils voient et à tâcher de deviner ce qu'ils ne voient point. Et cette condition dépasse, me semble, trop à envier. Sur cela, je me figure toujours que la nature est un grand spectacle qui ressemble à celui de l'opéra.